Chapitre 4e. Vers une heure de relevé, les deux barbeaux travaillaient dans leur petit bureau poudreux, orné d'échantillons de bois de teinture, de registres à dos verdâtre et de factures embrochées dans des tiges de fer. Il faisait très chaud. Par la fenêtre ouverte où grimpaient, en guise de jalousie, des capucines et des volubilis, on entendait le bourdonnement sourd des mouches à miel dans les banquets de balsamine et par moments, les bouffées d'air tiède apportaient du fond de la cour des émanations poivrées de gingembre et de noix de muscade. Hyacinthe, perché sur un tabouret, les jambes de son pantalon soigneusement remontées, afin que l'étoffe ne prît point de faux plis aux genoux, transcrivait des factures sur son livre journal, et entre les barreaux du tabouret, on apercevait ses chevilles maigres chaussées de bas gris. Germain, la pipe entre les dents, décachetait un supplément de courrier que venait d'apporter le facteur de midi. Au milieu de ces dépêches commerciales sur papier bleu, une lettre timbrée de Viotte attira son attention. Dans une petite ville, il est rare qu'on emploie la poste pour communiquer avec ses voisins. La suscription de l'enveloppe portait le nom de Germain Lafrogne, écrit d'une main d'écolier inexpérimentée. Le cadet des barbeaux déchira le cachet et se mit à lire. Tout à coup, il posa brusquement sa pipe sur la table et poussa une exclamation qui fit tourner la tête à Hyacinthe. Germain était pâle et ses mains tremblaient. « Qu'y a-t-il, cadet ?» demanda l'autre, étonné. Germain tendit la lettre à son frère. « Tiens, voici ce qu'on m'écrit, » murmura-t-il d'une voix altérée. Hyacinthe lut à son tour la lettre qui était ainsi conçue. « On engage M. Germain Lafrogne à se défier de son locataire, qui rôde beaucoup trop souvent du côté de Rambercourt. Du reste, s'il veut savoir pourquoi sa femme était si pressée de s'installer à la ferme, et s'il veut être édifié sur les rapports de cette dernière avec M. Duprat, il n'a qu'à se trouver ce soir même à Rambercourt à la nuit tombante. À bon entendeur, salut. C'est une infamie, s'exclama Hyacinthe. Oui, celui qui a lancé le billet a visé juste. Cela m'a donné comme un coup de couteau au cœur. Voyons, reprit l'aîné d'un ton qui voulait être rassurant, je pense que tu ne vas pas croire à une dénonciation anonyme. Je voudrais n'y pas croire. Mais quel intérêt aurait-on à m'écrire cela? Nous n'avons pas d'ennemis. Nous avons des envieux. Et puis il y a tant de mauvais plaisants. On ne risque pas de pareilles plaisanteries, dit Germain d'un air sombre, en allant fermer la fenêtre. Depuis que j'ai lu ce papier, il m'est venu un tas de réflexions que je n'avais jamais faites et qui me frappent tout d'un coup. Laurence est jeune et j'ai le double de son âge. Elle aime le plaisir et nous ne sommes pas amusants. Enfin, je suis un ours et ce monsieur de là-haut est un joli cœur. Un garçon si réservé, si pieux, je ne peux pas croire qu'il soit capable d'une pareille noirceur. Tu ne connais pas le monde, Hyacinthe. Tu juges toujours les autres d'après toi. Vois-tu, nous n'entendons rien aux femmes, ni l'un ni l'autre. Au nom d'une balle, s'écria-t-il en se rasseyant, je voudrais déjà être à ce soir. Je souffre trop. Tu iras là-bas. Tu le demandes? Repartit Germain d'une voix amère et irritée. Écoute, cadet, reprit le brave Hyacinthe, après avoir médité un moment. Veux-tu un bon conseil? Pars tout de suite pour Rambercourt. Si cette accusation a quelque fondement, il vaut mieux prévenir le mal que d'avoir à le punir. Ta présence empêchera ta femme de commettre une faute et la sauvera peut-être. Non, répliqua nettement Germain. Maintenant que le soupçon m'est entré dans la cervelle, un pareil expédient ne me l'enlèverait pas. En supposant que je trouve Laurence tranquille dans son jardin et que rien ne se passe ce soir, je me dirais toujours, si je n'étais pas arrivé, que se serait-il passé? Et je serais continuellement tourmenté par un doute. Non. Tu sais, j'en crevais, j'attendrai jusqu'à la nuit et je me faufilerai là-bas sans être vu. J'en aurai le cœur net. Alors tu m'emmèneras avec toi? Bien, si tu veux. Maintenant reprenons notre besogne et patientons. Ils reprirent leurs écritures, mais ni l'un ni l'autre n'avait grand goût au travail. Les chiffres s'enchevêtraient devant leurs yeux et leur esprit était ailleurs. Les heures se traînèrent, lentes, silencieuses, interminables. Ils entendirent Xavier Duprat rentrer dans son appartement et s'installer à son bureau. Hyacinthe fit un geste éloquent en montrant le plafond comme pour dire « Tu vois bien, il reste chez lui, on le calomnie. » À quoi Germain répondit par un haussement d'épaule. Le soleil glissa petit à petit le long des capucines en fleurs, remonta au premier étage, puis s'envola au faîte du toit. Dans la cour moins lumineuse, où flottaient toujours d'aromatiques senteurs d'épices, le bourdonnement des abeilles s'apaisa, puis Catherinette vint annoncer que le dîner était prêt. Ils mangèrent tous deux du bout des dents. Ils essayaient de se forcer, mais la nourriture s'arrêtait dans leur gosier et ils restèrent accoudés sur la table, sans mot dire, auprès du dessert intact, jusqu'au moment où le crépuscule assombrit les panneaux de chêne de la salle. « Allons, » murmura Lafrogne cadet en se coiffant de son feutre. « Il est temps. Nous prendrons la route des Romains. » Ils sortirent par la rue du Bourg, enfilèrent des ruelles détournées et s'enfoncèrent dans le chemin qui longe les vignes de Chanterelle. Ils firent le trajet sans prononcer un mot. La nuit était tout à fait venue, une nuit sans lune, propice au rendez-vous amoureux. Quand ils furent en vue de Rambercourt, au lieu de suivre la route, ils contournèrent les murs de la ferme et s'engagèrent dans les prés. Il y avait du côté de la rivière une petite porte dont Germain avait gardé la clé. C'est par là qu'ils pénétrèrent dans l'enclos où tout semblait assoupi et où l'on n'entendait que le chant nocturne des grillons, dont le vague bourdonnement semblait être la respiration sourde des champs endormis. Pendant ce temps, le calme était loin de régner dans l'appartement de Laurence. Derrière les persiennes closes, deux voix y troublaient le silence de la nuit. L'une, tour à tour irritée et suppliante, l'autre virile, insinuante, et dont les intonations ressemblaient fort à celles de M. Duprat. C'était Xavier en effet que Laurence avait eu l'étourderie de recevoir chez elle. Craignant qu'il ne recourût à une escalade, comme il l'en avait menacé, elle n'avait pas osé fermer la porte du bois. Et la nuit close, dès qu'il avait été certain que la femme de chambre s'était retirée, Duprat s'était hâté de pénétrer dans la pièce du rez-de-chaussée, où la lueur d'une lampe lui faisait supposer que Mme Lafrogne devait se trouver. Une fois établi dans la place, il s'était promis de n'en point sortir de sitôt, estimant que cette chambre confortable et coquette était un séjour préférable aux humides talus de la forêt. Il usait de son éloquence la plus persuasive pour obtenir la permission d'y rester. Il avait posé sans façon son chapeau sur un meuble et demeurait impassible devant la jeune femme qui le suppliait de s'éloigner. « Soyez raisonnable, » lui disait-elle, et pour plus de précaution, elle avait mis entre elle et lui un grand fauteuil derrière le dossier duquel elle s'appuyait comme pour en faire un rempart. « Je vous ai donné une preuve de confiance en vous laissant entrer. Ne me forcez pas à m'en repentir et quittez-moi. »« Vous êtes cruelle, madame, » répliquait-il d'un ton à la fois hardi et câlin, après m'avoir conduit au seuil de la terre promise. « Vous voulez que je me contente de l'avoir entrevue ? Vous me croyez plus héroïque que je ne suis ? Je vous crois un homme d'honneur, trop bien élevé et trop respectueux pour rester chez une femme malgré elle. L'amour n'est pas respectueux à ce point, et je vous aime trop passionnément pour ne point passer par-dessus les bienséances vulgaires. J'ajouterai, continua-t-il avec une légère nuance d'ironie, qu'en venant vous-même un matin chez moi, vous m'avez montré clairement que la sympathie nous fait souvent sauter à pieds joints par-dessus les convenances mondaines. « Si j'étais étourdi, murmura-t-elle rougissant, c'est peu généreux de me le rappeler, et surtout d'en abuser. Pardon, mais êtes-vous généreuse, à votre tour, en détruisant brusquement une espérance que vous avez été la première à faire naître ? Quelle espérance ? S'écria-t-elle irritée. « Expliquez-vous, je ne vous comprends pas. »« Si j'étais assez hardi pour espérer, » poursuivit-il, « n'y ai-je pas été encouragé tout d'abord ? Il y a des regards qui sont presque une promesse d'amour, et j'ai cru voir ces regards-là tomber de vos yeux sur moi. Au fond de ma solitude, je vous aimais silencieusement et sans espoir. Mais permettez-moi de vous le rappeler, c'est vous qui m'avez poussé à sortir de ma réserve, et ce qui n'est pas généreux, c'est de rejeter mon amour après m'avoir laissé croire que vous m'aimiez. » Si peu délicat que fût ce reproche, il tombait juste, et ne laissait pas d'embarrasser la jeune femme. Pliant la tête sous les arguments que lui lançait Xavier, elle sentait trop combien la lutte était inégale. Pourtant, elle ne voulait pas faiblir, et elle essayait de se débattre contre les dangereuses conséquences de ses précédents détourderies. « J'étais légère, c'est possible ? » s'exclama-t-elle les larmes aux yeux. « J'étais aveugle, mais tout ce que vous me dites me rend plus clairvoyante, et je ne veux plus encourir le même reproche. »« C'est un peu tard, » murmura-t-il, en souriant doucement et en se rapprochant du fauteuil. « Non, monsieur, » dit Laurence, en se rencognant de plus en plus entre le mur et le meuble qui la protégeait. « Si vous ne vous retirez pas de mon gré, je vous jure que je vais appeler Marianne. »« Vous ne ferez pas cela, » repartit Xavier d'un ton calme. « À quoi bon ? Personne ne croirait que j'ai pu entrer ici sans votre consentement. Ma présence à une part ailleurs ne s'expliquerait que par une complaisance de votre part, et un esclandre me compromettrait sans vous excuser. » Cette impitoyable logique accablait Laurence. Elle se sentait à la merci de cet homme. Il la tenait déjà moralement entre ses mains, et sa force de résistance commençait à s'épuiser. « Ah » balbutia-t-elle désespérée. « Ce n'est pas d'un galant homme, ce que vous faites là, c'est de la lâcheté. »« Non, » reprit-il, mais cette fois avec une voix pleine d'inflexion caressante. « Non, c'est de l'amour, l'amour le plus fervent et le plus passionné. Pourquoi êtes-vous si ineffablement belle ? C'est votre beauté qui me trouble et me fait tout oublier. Ne soyez pas cruelle. Laissez-moi vous adorer à genoux. Je vous promets un amour brûlant, discret, religieusement fidèle. Je mettrai à vos pieds tout mon dévouement, toute ma jeunesse. Vous serez la reine de mon cœur, la souveraine de mes pensées. Je vous donnerai le bonheur que vous rêviez que vous n'avez pas trouvé, et personne n'en saura rien. Rendez-moi votre confiance. Permettez-moi de vous aimer et de vous servir. » Tout en parlant, il s'était mis à genoux et s'était assez rapproché pour effleurer les plis de sa robe. Il s'efforçait de s'emparer de ses mains qu'elle lui refusait encore, mais déjà plus faiblement. Énervée, fascinée et tremblante, elle voyait venir le moment où elle ne pourrait plus se défendre contre cette étreinte qui allait l'envelopper. Tout à coup, le sable du jardin cria sous des pas rapides. Xavier, interdit, se remit d'un bond sur ses pieds. « Sultan, Médor, ici !» s'exclamait Germain d'une voix éclatante. « Marie, je suis perdu !» murmura Laurence en s'appuyant contre la muraille pour ne pas tomber. Déjà, on ouvrait la porte du pavillon. M. Duprat, blême, effaré, s'élança vers la fenêtre et, poussant les persiennes, il allait sauter dans le jardin quand devant lui se dressa la longue figure de Hyacinthe flanquée des deux chiens de garde qui grognaient d'une façon significative. « On ne passe pas !» dit flegmatiquement le frère aîné. « Rentrez !» Xavier recula, la tête perdue, et se trouva face à face avec Germain qui venait d'ouvrir la porte de la chambre. Les yeux du mari, fouillant l'intérieur de la pièce, se fixèrent d'abord sur Laurence, debout entre le mur et le fauteuil dont elle s'était fait un rempart, puis ils tombèrent sur Duprat, qui reculait devant Hyacinthe comme devant un spectre. D'un bond, Germain s'élança sur l'apprenti magistrat, et l'empoignant rudement par son col et sa cravate, il lui lança d'une voix sourde l'une des plus méprisantes injures du vocabulaire meusien, « Malabre !»« Pas de violence, monsieur !» balbutia Duprat. « Je me soumets à vous, mais ne me brutalisez pas !» Avec ses regards terrifiés, sa pâleur de noyé, il était piteux. Son corps tremblait, sa voix était devenue rauque. Germain regarda en face ce grand garçon à l'apparence robuste, que la frayeur rendait tout à coup plus débile qu'une vieille femme. Il en eut pitié, et retrouvant son sang-froid, à mesure que l'autre devenait de plus en plus épeuré, il se borna à secouer vertement son perfide locataire et à le jeter sur un fauteuil où Duprat s'affaissa comme un paquet de linge mouillé. « Je ne veux pas d'esclandre ici, » dit le mari de Laurence, « et je ne toucherai pas à votre peau. » Il alla fermer la porte qui était restée entrouverte. « Écoutez-moi bien, » reprit-il d'une voix basse et lente, « je pourrais vous saigner comme un poulet. Vous savez aussi bien que moi que vos tribunaux n'auraient rien à me faire. Mais vous ne valez pas même un coup de poing. Vous allez sortir d'ici. Arrangez-vous pour que je ne vous retrouve pas demain à Villotte, car si jamais je vous rencontre dans mon chemin, il n'y aura pas de loi qui tienne, et je vous décarcasserai aussi vrai qu'il y a un dieu. Maintenant, filez. Hyacinthe, reconduis-le. » Monsieur Duprat s'était hâté de se lever, et les jambes chancelantes, le dos voûté, les yeux à terre, tête nue et les cheveux en désordre, il se dirigeait vers la porte sans oser regarder Laurence. « Vous oubliez votre chapeau !» lui dit Germain d'un ton tranquillement dédaigneux. Il se retourna craintivement, s'empara de sa coiffure avec un geste oblique et rapide et ouvrit la porte en tâtonnant. Tandis qu'il disparaissait dans le corridor, Germain, les bras croisés, la face tournée vers la porte, montrait sa solide carrure, son buste énergique et sa tête chevelue à Laurence, qui avait assisté comme une statue à ce brusque dénouement. Quelles que fussent ses terreurs et ses angoisses personnelles, la jeune femme ne pouvait s'empêcher d'admirer ce rude chasseur, si contenu dans sa force, si maître de lui et si digne dans les moments les plus terribles. Elle le comparait involontairement au triste amoureux dont elle entendait encore les pas chancelants au fond du jardin, à ce phraseur couard qu'elle avait eu la faiblesse de prendre pour un héros de roman. Elle méprisait Xavier, la honte et le dégoût la prenaient, en songeant que cet homme avait posé ses lèvres sur son visage. En un clin d'œil, le ridicule venait de tuer son amour coupable. On distingua le bruit de la petite porte qui Hyacinthe verrouillait. Germain alors entra dans la chambre et se retourna vers sa femme, qui attendait avec un horrible battement de cœur l'explosion de la colère du mari outragé. « Rassurez-vous, » dit-il d'une voix très calme, « je ne vous adresserai ni reproches ni gros mots. C'est inutile, je ne veux pas de scandale. Pour l'honneur de notre famille, il ne faut pas qu'on puisse clabauder sur notre compte. Nous sauverons les apparences. Mais vous comprenez qu'il n'y a plus entre nous d'intimité ni de confiance possible. Nous serons séparés de fait, voilà tout. Je m'arrangerai pour demeurer ici le plus souvent. Vous, vous resterez dans notre maison de Villotte, et je veillerai à ce que vous n'y manquiez de rien. » Laurence fit un geste comme pour protester, mais il ne lui laissa pas le temps de l'interrompre et continua résolument. « Je le veux, et c'est bien le moins que vous m'obéissiez. Vous habiterez Villotte ? Hyacinthe vous y ramènera demain. Je n'ai rien de plus à vous dire. » Il tourna le bouton de la porte et sortit sans même regarder sa femme. Celle-ci avait repoussé le fauteuil placé devant elle et s'était élancée vers son mari. Elle voulait se jeter à ses pieds, implorer son pardon, le prier d'écouter l'aveu de sa honte et de s'en repentir. « Monsieur !» s'écria-t-elle d'une voix suppliante. Mais il ne fit pas mine de l'entendre, il causait avec Hyacinthe dans le couloir. Peu après, il ferma la porte d'entrée, puis monta avec son frère au premier étage, et toute la maison retomba dans un profond silence, interrompu seulement par le ruissellement lointain de la rivière et le bourdonnement tremblotant des grillons dans le jardin.